L'Afrique. Le mont Atlas est sans doute le plus fabuleux de toute l'Afrique. C'est sous l'empereur Claude que les armes romaines ont combattu pour la première fois à Maurétanie. Il y a 5 colonies romaines dans cette province, et à en croire les ouï-dire, l'Atlas peut paraître accessible. Mais l'expérience prouve que ces rapports sont le plus souvent tout à fait trompeurs, car les grands de ce monde, qui reculent devant le soin de chercher la vérité, ne reculent pas devant un mensonge par honte de leur ignorance. Et jamais l'erreur n'est admise plus facilement que quand une fausseté est garantie par une autorité de poids. En parcourant l'intérieur de l'Afrique, du côté du Midi, au-dessus des Gétules, et après avoir traversé des déserts, on trouve les Atlantes. Et, si nous ajoutons foi au récit, ils ont perdu les caractères de l'humanité. Ils n'ont point entre eux de nom pour s'appeler. Ils regardent le soleil levant et couchant en prononçant des imprécations terribles, comme un astre funeste à eux et à leur champ. Ils n'ont pas de songe, comme en ont les autres hommes. Les troglodytes creusent des cavernes, ce sont leurs maisons. La chair des serpents leur sert de nourriture. Ils ont un sifflement, point de voix, et sont donc privés du commerce de la parole. Les garamantes ne contractent point de mariage, et les femmes leur sont communes. Les ogiles n'honorent que les dieux infernaux. Les gamphazantes, nues et ignorants des combats, ne se mêlent jamais aux étrangers. On rapporte que les blémis sont sans tête et qu'ils ont la bouche et les yeux fixés à la poitrine. Les satyres, excepté la silhouette, n'ont rien d'humain. La conformation des égypans est telle qu'on le représente d'ordinaire, moitié homme, moitié bouc. Les immantopodes ont pour pied des espèces de lanières avec lesquelles ils avancent en rampant. Le Nil, sorti de sources mal connues, promène ses eaux à travers des lieux déserts et brûlants, dans un espace d'une immense longueur. À des jours fixes, il inonde toute l'Égypte de l'ample montée de ses eaux et, couvrant la terre, il la féconde.